pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse-le avec le sang. Sortez de ton flanc percé. Être un doux le ramadan. Mais sauver, mais rendre pur. Que mes larmes coulent à jamais. Que mon zèle ne s'éteigne point. C'est là non, pas mon péché. C'est toi seul qui dois sauver. Et ma main ne t'offre rien. Je ne m'attache qu'à ta croix. Alors que j'aspire ses souffles, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge, fané pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Il est notre abri. Amen. Contre la tempête. Amen. Contre les vagues de la vie. Amen. Il est notre bouclier. Amen. Il est notre réponse. Amen. Lui-même, Christ, est notre réponse. Amen. Il est notre solution. Amen. Il est notre victoire. Amen. Il est notre lumière. Amen. Il est notre justice. Amen. Il est notre vie pour toujours. Amen. Il est notre puissance. Amen. Le gardien de nos âmes. Il est le tout en tout. Amen. Le roi de paix, le roi de justice, le Dieu suprême, le Dieu immuable, Dieu incomparable, le soutien des faibles, notre rédempteur, notre guérisseur, le grand médecin, c'est lui qui est et qui sera. De grands Jésus. Jéhovah Dieu de Moïse. Jéhovah Dieu d'Israël. Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ nos cœurs l'aiment. Vol de sa présence. De sa puissance. De son secours. De sa grâce. De son soutien. Que son nom soit béni, exalté, sanctifié, glorifié, élevé, pour toujours. Seigneur Dieu, écoute notre prière, toutes nos prières, nos supplications, formulation de nos besoins, les requêtes, les demandes. Seigneur, tu sondes le cœur, tu connais la pensée profonde, les besoins profonds. Connais le pourquoi de la présence de chacun de nous. Et le fardeau qui tient à cœur. Et le libérateur capable de nous décharger, de nous secouer. Courir efficacement. Glorieux Christ. Ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu tout pour nous. Et nous voulons marcher dans ta victoire. Il y a le super signe de Dieu. Produit la super race des enfants de Dieu. En ce temps de la fin. Donne gloire à ton nom. Et ça quel nom soutient ton œuvre. Et que cette œuvre prospère. Selon ton programme. Au nom de Jésus-Christ. Qui a promis d'être avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Mais c'est juste pour garantir la prospérité de l'œuvre de Dieu. Il veut être présent lui-même là. À l'esprit dans son peuple. Dans ses enfants. Confirme sa parole. Manifeste ses promesses. Nous t'appelons sur la terre. Croyons à tes prouesses. À tes exploits. À ton immortalité. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Confonds l'ennemi. Donne-nous la possession de toutes les portes de l'ennemi. Quelle que soit la porte, quelle que soit l'épreuve. Nous voulons posséder cela. Et témoigner ta victoire. Toi qui as prévu dans ton programme. Aide-nous plus que ton cœur. Nous voulons être cette race. Exauce nos prières et manifeste ta présence en consolant nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, guéris les malades, enlève encore les peines, les afflictions, les douleurs là-dedans. Qui est celui qui a pris sur toi toutes nos douleurs. Confirme et manifeste cela. Que ton nom Jésus-Christ nous relève. Même si nous serions faibles. Même si on aurait quelques doutes. Que ton nom Jésus nous relève. Guérisse la foi de nos cœurs. Nous rétablissons au bon endroit. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et croyons. Amen. Nous allons lire deux passages de la parole. Juste pour une petite exhortation qui fera du bien à nos âmes. Ésaïe chapitre 7. Isaïa Mukapo et à Sambo. Nous prenons ce que dit le verset 14. Tokozwa oyo mulongazo minamine ezali koloba. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Manuel. Bongo kolo yemoko akope sabino elembo. Tala mwana mwasi akobota mwana mobali mpe akobianga kombo na ye Emmanuel. C'est vrai. Nous allons dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 15. Nous prenons le verset 22 et 23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Zambi lokola Adama nyonso bakokufaka. Boyi na Kristo nyonso bakuzwaka bomoi. Mais chacun en son rang. Kasi mutu mutu na mulongo. Kristo comme prémisse. Kristo lokola ya liboso. Oui, oui, ceux qui appartiennent à Kristo lors de son avènement. Nasi mona komona na ye na mukolo ya boyi na ye. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambe apongo la botani ya lobana ye. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus Christ. Tukukuvanda na komona Jésus Christ. Bienvenue à cette transe de méditation sacrée. Boyi mela mona itenyo ya kulinda sabini. Pour que nos cœurs reçoivent encore la substance divine nécessaire pour nous édifier et nous faire avancer. La matière divine, la substance divine, Dieu est surnaturel. Son évangile que nous croyons et que nous prêchons est aussi surnaturel. Croyons et nous aimons cela. Alors, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, il y avait une promesse. Ésaïe Mukapo ya Sambo Mulongozo Minamine Ezaki na Ilaka. Remonte au temps d'Ésaïe. Ésaïe Kombuta na Tango Ésaïa. Ça faisait des siècles. Ésaki na Mibébélé. Forum Banam aimait souvent dire Ésaïe 712 ans avant Jésus-Christ. Le grand Abané Kolina Kolobé, c'est Ésaïa Mibou. Il a dit. Il a dit. Souvent il disait, Esaïe, 712 ans avant Jésus-Christ. Il avait dit. Donc pour montrer que Esaïe a vécu 7 siècles avant Jésus-Christ. Et ce qu'il avait annoncé dans Esaïe 14, c'est effectivement une promesse que l'on peut aussi considérer comme une prophétie. Mais c'est une promesse. Parce que Dieu a dit, l'Éternel lui-même vous donnera. Donc, Dieu annonce un événement futur pour lequel il désire des bénéficiaires. C'est une prophétie parce que c'est un événement futur. Il devait se produire sur la terre. À travers la création. Dans l'univers quelque part. Cet événement devait s'accomplir. Mais quand Dieu désire de bénéficiaires de cela. Mais j'ai un droit qui aura accès à cela. Ça devient pour ceux-là qui attendent l'accomplissement. Une promesse. Et pour ceux qui ne sont pas concernés. Ils savent que c'est un événement. Un prophète a parlé. Un prophète qui levait. Peut-être que ce n'est pas vrai. Mais quand Dieu désigne les bénéficiaires de la promesse, de l'événement promis, de l'événement annoncé, alors pour cela, pour le groupe de son peuple là, c'est une promesse qui les attend. Et donc ils aimeraient voir l'accomplissement. Et 712 ans plus tard, un siècle après cela, on trouve dans Matthieu chapitre 1, le verset 18 d'abord, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. C'est un grand événement. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Voilà une chose inouïe. Voilà aussi une chose inhabituelle. Il n'était pas courant sur la terre des hommes. Mais cette chose a eu lieu. Car la Bible dit vrai, rapporte un événement réel, vérifiable. Et l'événement s'est accompli. Tout va bien. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. C'est écrit de cette manière comme un conte rendu, une histoire qu'on rapporte. Un événement qu'on rapporte. Pour tous les concernés. Pour tous les intéressés. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Là nous sommes 712 ans après Esaïe. Marie, sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouva enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aillent habiter ensemble. On descend plus loin. C'est-à-dire qu'on quitte. Verset 22. À 23. Tout cela arriva. Donc cet événement-là, c'est promis. Tel que vous entendez le récit là. Tout cela arrive pas. Afin que ça accomplisse. Et il y a d'accomplissement que là où il y a une promesse. Là où il y a une prophétie. Une annonce préalable. Tout cela arriva. C'est déjà arrivé. Pendant que nous parlons de ça aujourd'hui là. Ce qui est rapporté ici était déjà arrivé. Ce sont des événements déjà passés. Tout cela arriva. Afin que ça accomplisse. Ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Et l'enfant sera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, l'enfant annoncé, le fils mal annoncé, dans la prophétie promesse d'Esaïe, ce fils mal-là est déjà né. Quand nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas un événement dont on attend l'accomplissement futur, mais c'est un événement qui nous est relaté au passé. Déjà passé. Et Dieu a bien fait de rapporter ça au passé simple. Quand c'est écrit ici, c'est au passé simple. Donc pour montrer que c'est un événement dont l'accomplissement est lointain. C'est pas un événement dont vous pourrez douter de l'existence ou de la réalisation. L'emploi du passé simple comme ça. Dans le mode indicatif du français. C'est pour rapporter les événements réellement qui se sont déroulés, qui sont concrètement partis de l'histoire, c'est-à-dire des événements réellement passés qui comptent dans l'histoire. Et Dieu a veillé que dans sa Bible on mette ça au passé simple, confirmant que c'est déjà réellement compris. Votre doute ne changera rien. Les témoins qui ont fait cela ont rapporté que c'est déjà réellement passé. En toute simplicité, c'est un passé simple. Tout cela arriva. Ce n'est plus le futur. Les temps futurs à venir, l'Éternel votre Dieu vous donnera lui-même ainsi. Après l'accomplissement de cet événement. Oh mon Dieu. Yahweh. Donc ça s'est réellement passé. Ça s'est réellement et concrètement passé. Et Dieu avait des objectifs derrière ça. J'aimerais prendre un commentaire ici que donne le prophète William Branham. Comme le message est beau. Je prends dans les sermons un super signe. Vraiment été prêché deux fois en 1961 au mois d'avril et aussi en 1962. Mais je vais lire à des endroits. Dans un super signe du 24 juin 1962. Les paragraphes 38 et 39. Et même on pourra aller jusqu'au paragraphe 40. Alléluia. Ils ont toujours désiré ainsi. Et Dieu a dit, je leur en donnerai un. Clair. L'éclair en zigzag dans un ciel sombre pendant la nuit montre qu'il peut y avoir de la lumière en temps de ténèbres. C'est ce signe ici de l'éclair dont Frère Brunan parle est naturel, chacun de vous peut l'avoir déjà. Mais le fait que la SNEL, Société Nationale d'Électricité, vous aille privé de l'électricité, du courant en pleine nuit. Et que vous regardez dehors là au ciel, vous ne voyez aucune étoile. Parce que simplement les nuages ont tout assemblé. Mais même dans ce climat d'incertitude environnementale, vous pouvez être surpris qu'à un moment, dans ce ciel sombre, Tangona lola wana kama sombre non éclairé angona pena na mulini sans lune ni étoile même pas une ampoule de la société qui éclaire. Vous pouvez voir à un moment un éclair dans ce moment là vous allez rayonner et quand ça se passe comme ça vous verrez un éclat de lumière autour de vous. Le mouan naturel donne l'assurance à tout observateur qu'il ne peut y avoir de la lumière après un temps de ténèbres. Cela sans le secours d'aucune main. Même si aucun agent de la SNEL n'est monté sur un poteau pour aller faire briller ça. Un éclair peut surgir automatiquement. Et ça va refléter une lumière au les... De quelques secondes, d'un instant, à dire inconnu. Mais c'est un signe qui peut rassurer tout observateur. Quelle que soit la profondeur des ténèbres, le moment et le temps de ces ténèbres, il peut y avoir de la lumière. Sans dépendre des hommes uniquement, il peut y avoir la lumière. Et le croyant de ce message a entendu un des messages prêchés par le prophète. Maintenant ici, un homme peut allumer la lumière. Quelle que soit la profondeur de votre ténèbre, le flou qui envahit votre esprit, vous ne comprenez rien du tout. Mais il y a autour de vous, dans les surnaturels, dans l'invisible, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Connaissez-vous quel est cet homme? Jésus-Christ est son nom. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même partout. Vous pouvez l'invoquer, le considérer, l'appeler sur la scène, dans une petite case, tout comme dans des grands édifices. Il est le même. Mon cœur et mon âme les croient. L'éclair en zigzag dans un seul son. Pendant la nuit, autre qui peut y avoir de la lumière en temps de ténèbres. Et Dieu a dit, je leur donnerai un signe. Pas une tour raffinée. Pas une tour ecclésiastique. Je leur donnerai un signe. Et ce sera un signe perpétuel. Un signe éternel. Un signe sur lequel vous ne pourrez pas bâtir continuellement. Ce sera un signe perpétuel. Un signe. Un super. Une vierge concevra. C'est une chose inouïe. Une chose étrange. Une chose inhabituelle. Une chose si rare. Elle pourrait être dite rarissime. Pour ne pas dire inexistante. Dans les temps entiers. Mais Dieu l'a amené. Comme un signe venant de lui-même. Il dit ceci. Oh là là. Malgré toutes leurs grandes tours et écoles raffinées, leurs grandes lignes, leurs navires impeccables, Dieu a dit, je vais leur donner un signe. Et ce sera un super signe. Un signe éternel. Un signe perpétuel. Quel est-il? Une vierge concevra. Amen. Grâce. Le surnaturel. C'est ce n'est pas du naturel. C'est du surnaturel. C'est un chiffre signe. Et ce n'est pas une affaire raffinée. Mais c'est un super signe. Dieu manifesté dans la chair. Le contenu de ce super signe-là. Qui est une chose étrange. Très inhabituel, presque inattendu. Parmi les hommes jusqu'à cette époque-là. C'est du surnaturel. Et qu'est-ce qu'on tient comme le secret des choses surnaturelles? C'est que ce sera. À travers ce signe-là, Dieu manifesté dans la chair. Donc, quand tu lis Esaïe 7, 14, tu dois comprendre tout ça. Et tu avais vécu juste du temps d'Esaïe. En lisant ce seul verset-là, avec les lunettes d'un prophète, le ministère d'inspiration et de révélation. Ouvre les mystères et les secrets de Dieu. Si tu n'avais vécu qu'au temps d'Esaïe, ce qu'il te fallait comprendre par là, ce seul verset-là, c'est que le signe serait super. Et ce signe serait éternel. Ce signe-là serait perpétuel. Ce serait surnaturel. Et à travers ce signe-là, la pensée de Dieu qui avait parlé, était de révéler aux hommes qu'à travers ce signe, ce sera Dieu manifesté dans la chair. Je ne sais pas si avec ta seule intelligence classique, être capable de lire ce verset et de sortir tous ces détails, tous ces commentaires. Mets-toi un peu à la place de lecteur de la Bible. Dis-toi un peu, si tu avais vécu autant des années et que tu as entendu ces prophètes dire, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Une vierge concevra. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est tout. Et si, compréhension. Qu'est-ce que vous auriez compris de ça? Quel que vous connaissez là. Posez-vous un peu dans l'histoire. Et dites-vous que c'est vous, les contemporains d'Esaïe. Vous avez entendu le prophète dire ça. Et vous vous mettez à comprendre tout ça. Et seriez-vous capable de sortir des détails pareils? Alors, le ministère prophétique, on ne joue pas avec. Il est tellement particulier parmi les ministres. Il est si important pour notre foi. Quelle qu'en soit la diversité, Dieu a trouvé ça utile pour son peuple. Vous ne devez ni les renier, ni les minimiser, ni les méconnaître. Il vous est capital pour ouvrir l'entendement, la compréhension. Vous savez qu'Amos 3, verset 7, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé d'abord son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu qui voulait faire cet événement inhabituel, mais il a pris soin de l'annoncer d'abord par le prophète Isaïe. Et il a laissé couler 7 siècles. 712 ans. C'est ça pour voir toute une génération décimée. Ceux qui avaient entendu la prophétie tous morts. Alors, Dieu entre en scène et se met à accomplir cela. Pour une génération future qui n'avait pas vécu du temps du prophète Isaïe. Mais le signe, qui le verrait alors? Cassi. Qui pouvait y être attentif? Il fallait uniquement la grâce de Dieu. Sur ce peuple nouveau-né, sur cette génération nouvelle, pour remarquer l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé 7 siècles auparavant. Les écoles de théologie ne pouvaient rien foutre là. Il fallait la grâce de Dieu pour connecter amener l'annonce à l'accomplissement. Pour la copokissa, ouvrir les yeux des témoins. Et c'est pour rendre participant de cela. C'est la grâce merveilleuse de notre Dieu. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Alors il dit, une vierge concevra. On a encore sa zèle. Cache! Ils allaient nini. Monsieur naturel. Oh, ma camarade, qui ont été. C'est un super signe. Ils allaient et les mots et les corps. Ce n'est pas une affaire raffinée. Ils allaient pas les camarades, ils sont mes malades. Mais c'est un super signe. Ils allaient et les mots. Tu veux dire? Oui, il dit qu'on le bat. Dieu manifesté dans la chair. Qu'est-ce que c'est? Le petit Jéhovah né dans une crèche. Le petit Jéhovah Yamouké. Le litre Jéhovah. Jéhovah la prédication n'y ira flasher correctement. Le petit Jéhovah Yamouké. Né où ça? Dans une crèche. Sur un tas de fumier. Le petit Jéhovah pleura comme un bébé. Le petit Jéhovah joua dans les rues. Le petit Jéhovah Dieu manifesté dans la chair et pleura comme un bébé. Joua dans les rues. Peut-être comme moi, mon enfance, j'avais joué au jeu de billes. Non. Et l'ombre qui et ça prend la gauche. Et l'autre entre la zèle tout. On continue à faire les boules. C'est bon. Ça fait des malades. Voyez là. C'est que lui aussi a joué à ça. Ça me souvient beaucoup bien. Et si tu regardes à soi. Mais mettez la main dans la roubette à ma vie. Oh, c'était le petit Jéhovah. Donc, quand il y a qui Jéhovah a moqué. Mon cher ami. Petit qu'on se voit des choses pareilles de toi-même. Vous s'appelez les cambois. Tu vas voir un petit bébé pleurant comme ça. Et jouant au bille. Et jouant dans les liens. Et imaginez que ce soit cet enfant qui est le petit Jéhovah. Le Dieu créateur. De Mokeli. De Chile de la terre. La en train de jouer dans les rues. Et alors, Et pourtant, c'était ça la voix de Dieu. Donc, Andé, c'était ça la pensée de Dieu qui avait annoncé ces événements. Ça ne devait pas se passer autrement. Ça ne devait venir que comme cela. Les voix de Dieu sont insonnables. Humiliez-vous et il vous révélera. Pensez. Hein? Le petit Jéhovah pleurant comme un bébé. Le petit Jéhovah jouant dans les rues. Mais c'est un super signe. Donc ça là aussi, un super signe. Il est mamouné, Nicolo. Oh. Dieu créateur, comment concevoir ça? C'est lui qui le dit à toi. Mais c'est un super signe qu'il fallait voir par les yeux d'aigle. Donc voir au-delà de ces yeux, de ces pleurs, identifier Jéhovah dans la chair. Le petit Jéhovah. Jéhovah mais c'est un super signe. Amen. Amen. Bien qu'on en parle. C'est pourtant le super signe de Dieu. Un signe éternel. Il n'est pas venu avec les sommages du ciel. Dieu faisant descendre les corridors. Et les armées des anges descendant les rampes jusque dans les cœurs, dans la cour de Caïphe. Et tous les joueurs de la musique. Et les anges dansant sur la terre. Et puis on voit un couloir pour le majestueux roi du ciel. Il n'est pas venu de cette manière. Il est né dans une crèche. Et les anges qui sont allés annoncer l'événement, célébrer l'événement, ne l'ont pas fait autour de la crèche. Ils sont allés le faire en brousse très loin là-bas. Là où il n'y a pas que des bergers isolés pour l'intérêt de leur travail. Dieu se cache et se révèle dans la serpente. Les voix sont insondables. L'on part célébrer la naissance dans les montagnes sans enfants. Mais pendant qu'on célèbre ça, l'enfant se trouve à des milliers de kilomètres là-bas. Très loin là-bas. Et on annonce que l'enfant là est là-bas. Mais ceux qui célèbrent et qui assistent à la célébration n'ont pas de visage. Ils savent pas quel visage il a, quel genre de couche il a porté. Mais il est célébré en brousse là-bas. Loin de ses propres regards. Loin de son corps physique. Et ce groupe, quand il devait aller pour vérifier les annonces des anges, la Bible dit qu'ils trouvèrent les choses comme l'ange leur avait dit. Mais entre temps, les anges n'étaient plus avec eux. Ils sont allés trouver une famille ordinaire qui était dans une misère terrible, qui n'avait même pas de place pour l'hôtelier. Et quand on raconte l'histoire de la naissance de la mort, maintenant, aller dire que ce bébé qui est dans des conditions pareilles, un couple aussi pauvre qui est indexé, allez vous imaginer que c'est le petit Jéhovah. Il faut seulement la remercier. Sans la révélation de Dieu, vous n'y arriverez jamais. Vous aurez seulement de quoi critiquer. Et vous donnez raison dans votre argumentaire. Dieu a caché ces choses. Il s'agit aux intelligents. Mais Dieu le répète à ses enfants. Il en a toujours été ainsi. Il en est de même maintenant. Humiliez-vous et Dieu vous révélera. Il n'est pas venu avec les hommages des ciels. Dieu faisant descendre les corridors. Et les armées des anges descendant les rampes jusque dans la cour de Caïphe. Et tous les joueurs de la musique. Et les anges dansant sur la terre. Il est venu en passant par une grange. Une étable. Mais c'est fait ainsi. Ce n'est pas tout le monde qui a vu cela. Mais vous pas que c'est normal? Dieu cache ces choses aux sages et aux intérêts. Il les révèle à ses enfants. Ce n'est pas tout le monde qui a vu ça. Mais ceux qui étaient prédestinés à voir cela, les apparences ne les sont pas égarées. Ils ont identifié Dieu dans la chair. Dieu montre ses superficies à ceux qui sont nés pour les voir. Les gens n'ont pas vu cela. Des milliers qui ont vécu autant de ceci n'ont jamais entendu parler de lui. Des milliers, des millions n'ont jamais rien su à son sujet. Mais Dieu montre ses super signes à ceux qui sont prédestinés, à ceux qui sont nés pour voir ça. Heureux sont vos yeux. S'il peut vous voir. Soyez dans l'adoration et la reconnaissance envers le Dieu qui vous fait une grâce exceptionnelle. Alors que vous êtes entouré d'un tas d'incrédules et d'infidèles. Qui peinent et transpirent pour arriver à ne croire qu'une seule petite vérité de l'évangile. Il n'est pas venu à la manière d'un ange. Oui, Christ. Il n'est pas venu à la manière de l'ange. Quand il est descendu du ciel, il aurait pu venir comme un ange. Et il est venu du ciel. Il aurait pu venir comme un ange. Il aurait pu venir comme un chérubin. Le principe est cela. Il est venu en tant que semence d'Abraham. Il est venu en tant que semence d'Abraham. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Apona kete ayelo lengi wana lokola momboto na abala yema austérité de la foi ukitani pena kondima la super vache benda momboto likolo. Oh oui, iyo Dieu se faisant homme zambe komi saka mutu afin qu'il puisse mourir na sina zako kona kokufa. C'est ça le super fils. Dieu se faisant homme afin qu'il puisse mourir. Et il ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit. Il devait devenir chair pour pouvoir mourir. Mais c'était un super signe, un grand signe, et il est venu pour être la semence d'Abraham. Afin de manifester une super race. Est-ce que tu commences à te voir dedans? Non seulement parmi ceux qui doivent voir les superfils, exceptionnelle merveilleuse, mais tu dois t'identifier ici comme étant ceux qui appartiennent à Christ. La super race suscitée et produite par lui. Le super signe n'était pas venu en vain. Et le monde a dit que l'on a qui s'en battait. Dieu a promis ce super signe pour confirmer la promesse de la venue de la semence d'Abraham, pour la postérité de la foi, mais aussi pour manifester une super race. On y est. Eh bien, Abraham avait une semence. Une semence naturelle. Ensuite, il a eu une super semence. Souvenez-vous, Dieu a aussi plein de super. Super ébélé. Oh, super marché. Super terrain. Super équipe. Mais Dieu aussi a plein de super. Super what chinois. Super what hollandais. Ah, des super et des super comme ça. Ah, super appétit. Même parmi les médicaments. Mais Dieu aussi a plein de super. Et Abraham a eu une super semence. Et Jésus est venu. Yes, afin de racheter la super semence. La race d'Abraham. Jésus-Christ est venu. Pour racheter, étant lui-même la super semence d'Abraham, étant lui-même la postérité d'Abraham, mais il est venu afin de racheter la super semence de la race d'Abraham. Dieu était certain de le faire. La race qui a les signes surnaturels, un Christ surnaturel. Au temps de la fin, dans les derniers jours, de nos jours encore, pouvez-vous nous avoir déjà parlé? Cette super race, C'est une superstition. Il y a les signes surnaturels. Oh, bah, j'ai dit, c'est le Christ surnaturel. Identifie-toi. Vérifie bien. Est-il l'un d'eux? Et t'as la malade, vous allez me connaître avant? Toi, dans ta marche. Est-il l'un de ceux-là? Vous allez me connaître avant? Est-ce que frère William Branham? N'écoutez pas Branham. Est-il l'un de ceux-là? Vous allez me connaître avant? À travers son appel. Nanzela Gambela. Bien aimé. À travers son appel. Quand Dieu vient lui annoncer ces choses. Il est distingué dans ce contemporain. Mais tu n'es pas l'un d'eux. Allez. Alors, je prends ici un superci. Nazawa et Nazia. Avril 1961. Au paragraphe 17. Hein. C'est aussi 42 et 43 dans le format imprimé. Et Zalipé. Alors, mais nous sommes dans un temps de super. Tozali na tango et makamolikolo. De super vente. Des super voitures. Et tout le monde désire être une super race. Il existe une vraie super race. Hitler disait aux Allemands qu'ils étaient un peuple super. Et ils ont réalisé qu'ils ne l'étaient pas. Quelqu'un a dit qu'il fera du Congo l'Allemagne d'Afrique. Allemagne et Afrique. Hitler lui-même disait aux Allemands qu'ils étaient un peuple super. Imaginez ça. Donc on veut faire aussi le Congolais un peuple super. Mais avant eux là-bas, les Allemands eux-mêmes ont réalisé que ce n'était pas le cas. Leur empire s'est effondré. Mais il y a un empire qui n'a pas de fin. Là où Christ est roi. Il est le Seigneur des Seigneurs et le Dieu des Dieux. Ayez foi en lui. Écoutez mes amis. Super, super, tout super. Non, c'est vrai qu'il toque, il toque. Et maintenant, en fin de compte, tout cela a un sens. Nous sommes les années. Et seulement on s'arrête pour examiner la chose. C'est une créature créée par Dieu. Et on est imprégné de cette super idée. Il faut que ce soit super. Ainsi donc toutes ces choses, non qu'ils ne soient les significatifs, quand nous vivons dans ces temps de super, c'est aussi ainsi. Comme à l'époque du super signe que Dieu a envoyé sur la terre, la Vierge qui a conçu pour produire Dieu manifesté dans la chair, le petit Jéhovah naît dans une crèche. Tout ça c'est signe pour nous maintenant. C'est un signe de la venue des super ténèbres. Alors, au paragraphe 31 à 85, format imprimé. Les gens disent, le temps des miracles est passé. Ainsi que toutes les autres choses. Mais qu'il le prouve. Qu'il prouve que l'état des miracles. Parce que nous, nous sommes ici pour prouver que les miracles existent encore. Et il raconte ces histoires, mais qu'il le prouve, non? Nous ne sommes pas de leur groupe. Nous refusons volontairement d'appartenir à ces groupes, cette bande d'infidèles. Êtes-vous là? Miséricorde. Mawa. Nous devons nous identifier à la vérité de Dieu. Et je vous donnerai un signe éternel. Le super signe. Oh oui. Eh bien, il pouvait bien venir comme un ange. Il pouvait venir de n'importe quelle manière. Il aurait voulu. Mais il a choisi de venir comme la semence d'Abraham. Amen. La super semence d'Abraham. C'est vrai. La manière qu'il a choisi pour venir accomplir dans ces derniers jours. Ouvre tes yeux pour ton temps. Maintenant, ce qui s'est passé au temps de Jésus-Christ est clairement passé. On l'a compris. Les nommés sont passés ce temps. Mais maintenant, le même Dieu qui est le même, voici identifié dans notre génération. Et il doit reproduire les mêmes choses de côté. Pour être reconnu comme étant le même. Maintenant, la manière qu'il a choisi pour venir accomplir dans ces derniers jours les super signes de Dieu et les super races, non pas ce que vous appelez une super race, mais ce que Dieu appelle super race. Dieu en a cette super race. Qui possède le signe surnaturel. Christ est surnaturel. Ils sont la notoriété. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont la puissance surnaturelle. Est-ce que toi tu en as? Ils en ont. Puissance surnaturelle. Frère et soeur, tu en as? Mais comment le chrétien? En as-tu? Amen. Église, en as-tu? Ils ont ça. La puissance surnaturelle. Avec des signes surnaturels. Par une foi. Wow. Pas une foi intellectuelle. Une foi classique. Joie de la musique classique. Respectant les règles classiques. Une foi surnaturelle. Surnaturelle. Elle ne peut pas manquer de croire au surnaturel. Un Dieu surnaturel dans un corps surnaturel dans un peuple naturel dans un destiné surnaturel. Quelle identification! Un Dieu surnaturel présent parmi nous, se manifestant parmi nous, dans un corps surnaturel, mais utilisant un peuple naturel, éloignant Dieu surnaturel, produisant et donnant des signes surnaturels. Notre identification, en tant que super race, la semence de foi d'Abraham, la postérité de la foi dont nous avons parlé hier. Il y en a eu à la première venue de Jésus-Christ. Il y en a encore maintenant à la veille de son retour. Chacun dans son rang. La Bible a dit chacun dans son rang. Qui dit ça? Il est ici. un Dieu surnaturel. Zambe est mon priorité. Dans un corps surnaturel. Dieu est surnaturel. Zambe est mon priorité. Et il est parmi nous. Dans un corps surnaturel. C'est ce que vous appelez Saint-Esprit là. Il est parmi nous, il est avec nous. C'est un corps surnaturel. Mais il utilise un peuple naturel. Il mange les foufous et les poumons. Il mange les chibangs et les riz. Ce sont les gens naturels qui peuvent jouer aussi dans la rue. Que vous pouvez voir sa misère et ses efforts. Il est venu, il met ça. Que cela ne se trompe pas. Le Jéhovah surnaturel a promis d'utiliser cette catégorie. Pour confirmer sa parole. Pendant qu'on dit le balayé. Moi je l'aime. Nana hein? Dit. Alléluia. Alléluia. Il superrache. Et il dit alors la promesse qui est donnée. Dans Daniel 11, verset 32, vous le savez. Daniel ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Des grands exploits. Et feront des miracles surnaturels. Un peuple, la semence d'Abraham, un signe du Christ surnaturel, ressuscité de mort de façon surnaturelle. Est-ce que tu as me t'identifier? Et voilà, identifie-toi. Dans Romains 8, verset 9, il est dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Identifie-toi, tu es de quel côté? Un Corinthiens 15, on l'a vu ici. Un Corinthiens 15, verset 22-23. Comme tous meurent en Adam. Notre père est de la mort. Nous nous identifions à lui à travers la mort. Et nous nous identifions à lui à travers la mort. Et nous nous enterrons des afflictions, des maladies, des douleurs. Les péchés, les iniquités, de la bruit, la confusion, le souffle, des spines et des roses. Adam ou Yali Bosso. Où est ta loi? Mais nous avons un père de vie. Qui donne vie à toutes choses. Qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu vivant. Il est la résurrection et la vie. Son nom c'est Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ? Il dit ceci. Et comme tous meurent en Adam, les hommes aussi tous revivront en Christ. On est dans de lui. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Il est mon prémisse. Azali, oui, et il est en tout le premier. Je ne voudrais pas m'égaler à lui. Non, il est suprême. Il est souverain. Il est souverainement élevé. Il est monté au-dessus de tout. Il compris au-dessus de moi-même. Au-dessus de tout religieux. Au-dessus de tout religieux. Vous devez avoir son esprit. Lors de son avènement. Le même qui était venu. Le même doit revenir. Le même qui était venu. Sous un signe surnaturel. Le surnaturel. Le même reviendra. Naturellement. Juste naturellement. Ou c'est à travers une ambiance surnaturelle. Dans une atmosphère de vie surnaturelle. Un peuple qui vit ça. Le peuple recevra Christ. Revenant, il sera enlevé. Une super race prédestinée à être enlevée au ciel. Car la terre ne nous supportera plus d'ici plus. Nous serons boycottés. Il y aura de l'oppression. Le monde ne nous supportera plus. De même que la terre avait vomi Jésus-Christ. Et sans qui est lorsqu'il a été enterré, sans son sang, il était impossible qu'elle le retienne. Elle devait le vomir. Parce qu'il n'était pas prédestiné à demeurer là-bas. Il était la résurrection de la vie. Il entre par la mort et la mort l'a vomi par de la même façon, les élus de Dieu, au temps de la fin, les cercles des derniers jours, seront vomis par ce monde. La terre nous vomira encore. Pour nous pousser à l'enlèvement. Si toi, le monde continue à te tapoter dans les dos, et à t'appeler leur frère, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Il est en train de vérifier à quoi tu as parlé. Es-tu de cette postérité ou non? Toté. Il est temps de continuer les choses. Il est temps de se préparer. Il est temps de changer les choses. Il est temps de rectifier les choses. Il est temps d'invoquer Jésus. Et abandonner le péché. Et renouveler ce péché. Les sentiments faux. Abandonner tout cela. Il est temps de grâce maintenant. Dieu fait grâce à quiconque désire encore. Écoutez sa voix. Que Dieu te bénisse. Mettons-nous debout pour la prière. C'est merveilleux l'amour de Dieu pour nous. Et sa grâce bienfaisante. Qui nous accompagne tout le long du chemin. Et que nous fera parvenir au bon port. Louange à Jésus-Christ. L'amour en Jésus-Christ. Amen. Amour en Jésus-Christ. Amen. Amen. La joie en Jésus-Christ. Amen. Amen. La joie parfaite en Jésus-Christ. Amen. Amen. Victoire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Victoire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh la paix en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh la paix en Jésus-Christ. Amen. Amen. Louange en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh oui. Amen. Amen. Oh, c'est Amen. Amen. naturel. Ange de Christ. Amen. Amen. Naturel. Ange de Christ. Amen. Amen. Amen. Consolé. Ange de Christ. Amen. Amen. Délivrance. Ange de Christ. Amen. Amen. Délivrance. Ange de Christ. Amen. Amen. Prospérité. Ange de Christ. Amen. Allez, progrès, ange de paix, amen, allez, progrès, ange de paix, amen, oh, l'enlèvement, ange de paix, amen, l'enlèvement, ange de paix. Amen. Amen. Amen. Amen. L'éternité. Amen. L'éternité. Amen. Oh, témoignage. Amen. Témoignage, ange de Christ, amen, témoignage, ange de Christ, amen, oh, et délivrance, ange de Christ, amen, oh, délivrance, ange de Christ, amen. Saint-Esprit, ange de Christ, amen, amen. Le Saint-Esprit, Esprit, ange de Christ, amen. Transformation, ange de Christ, amen, amen. Transformation, ange de Christ, amen. Oh, le salut, ange de Christ, amen, amen. Oh, le salut, ange de Christ, amen, amen. Oh, protection, ange de Christ, amen, amen. Oh, protection, ange de Christ, amen. Le pardon, ange de Christ, amen, amen. Le péché, ange de Christ, amen, amen. Oh, liberté, ange de Christ, amen, amen. C'est parfait, ange de Christ, amen. Amen, amen. En tout parfait, ange de Christ, amen. Miracle, ange de Christ, amen, amen. Miracle, ange de Christ, amen, amen. Oh, résurrection, ange de Christ. Amen. Sécurité. Amen. Chacun un mot de prière dans la joie. Un mot de prière chacun dans la joie. Sois joyeux. Sois joyeux. Moment de prière qui m'appelle dans un monde saucé et m'invite mon père pour le connaître mes désirs en temps de paix et de chagrin. Bon âme et sauve encore soleil, échappe au piège des tentateurs. Par ton retour, maman de prière, maman de prière, maman de prière, quelle joie, quel bonheur je partage avec cela dans les cœurs brûlés d'argent. Désir pour ton retour, avec je m'empresse là, oh mon sauveur, révèle sa face, et joyeusement, je me tiens là, et je t'attends, maman de prière, maman de prière, oh maman de prière, tes ailes porteront ma requête, bercez-lui dans la fidélité, et à bénir l'âme qui attend. Il m'invite à chercher. Alléluia! Crois sa parole, crois en sa grâce. Dirige-moi sur mes soucis et je t'attends. Moment de prière. Oh, moment de prière. Tes ailes porteront ma requête. Vers celui dont la fidélité tient à bénir l'âme qui attend. Il m'invite à chercher sa face. Croire sa parole. Croire en sa grâce. Et sur lui je mets tous mes soucis. Et je t'attends, moment de prière. Maman de prière. Maman de prière. Tes ailes porteront ma requête. L'œuvre du Seigneur prospérera entre ses mains. Voilà toi, Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant. Nous sommes heureux de croire en toi, de recevoir ta grâce, agir ta valeur, d'identifier ta puissance, reconnaître ton évangile surnaturel, un Dieu surnaturel qui produit des signes, qui perd des signes surnaturels. Parce que tu n'as pas vieilli. Parce que tu es le même. Tu n'es pas devenu inefficace. Parce que tu es toujours le même. Laisse que nos cœurs croyants démontre-les complètement. Enlève toutes les choses. Enlève les incrédulités, toutes les stupidités, lave-nous dans le sang, nous avons dans le sang de la Dieu, nous avons dans le sang de la Dieu. Utilise-nous comme bon te chambre. Conduis-nous dans tes propres voies. Débarrasse-nous du vieil homme. Avec ce sexe. Nous voulons revêtir l'homme nouveau. Christ, plus que vainqueur. Qui est la résurrection et la vie. Le surnaturel et le miraculeux. Nous voudrions te voir, Seigneur. Manifester encore. Peuple naturel, produisant des signes surnaturels. Que mon frère de Jean Linde, que ma soeur de Jean Linde, lorsque nous devenions l'aide, que pour sa part, exauce nos prières, soutiens nos efforts, délie-nous de tout formalisme, de toute froideur. Nous voulons le réveil à notre cœur. Le réveil venant de Dieu, bousculer les infidèles, et susciter de nouveaux croyants, attirer les âmes à Christ. Oh, bénis-nous abondamment. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et te croyons. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu soit loué. Et que Dieu soit loué.